tous, vous êtes en direct de Radio Kemozo et il est 10h06 et 40 minutes et 40 secondes. Aujourd'hui avec moi Stéphane dans l'émission des Oreilles du Monde proposée par l'association Les Monts de l'Utopie. Salut bonjour Stéphane. Bonjour à nous, bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh ben ça va bien oui. Alors Stéphane, oui. Aujourd'hui tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler du label Buda Music, le label le plus encyclopédique du monde certainement. On va l'aborder d'abord par son plus grand succès. Il s'agit de Malutu Astatke dans Yegele Tezeta, qui fait partie de la collection éthiopique que vous avez peut-être déjà entendu. C'est parti. C'est parti pour la première musique? Ouais. Il y a eu une petite erreur dans la programmation. On écoute tout de suite. Dis-moi Stéphane, le titre. Yegele Tezeta. Et voilà. Musique, Stéphane, tu nous la présentes un petit peu? Oui, donc c'était Yegele Tezeta par Malutu Astatke. C'est une musique, peut-être certains d'entre vous la connaissent parce qu'elle figurait au générique d'un film de Jim Jarmusch dans les années 2000, en 2004, il s'agissait de Broken Flowers. C'est d'ailleurs grâce à ce film que Mulatu Astatke a réussi à trouver une certaine notoriété. C'est-à-dire que c'était un chanteur des années 60 en Éthiopie. Évidemment, l'Éthiopie, c'est pas un pays qui exportait beaucoup de musique à cette époque-là. Encore moins par la suite, une fois que le régime est devenu une dictature militaire. Donc pendant toutes ces années, entre 75 et 90, on n'entend plus du tout parler de la musique éthiopienne. Et un beau jour, les gens de Buda Music s'aperçoivent qu'il y a des trésors enfouis, cachés dans les bacs éthiopiens, et se mettent à éditer tous ces disques dans une collection qui s'appellera Éthiopique. Éthiopique, c'est un petit peu le grand succès commercial, si on peut dire, de Buda, puisqu'ils vont tout de même vendre les 30 volumes à 250 000 exemplaires, ce qui représente le quart des ventes totales de Buda, alors que Buda a sorti 500 disques. Donc c'est pour vous dire un petit peu la proportion que ça a pris. Cette musique se vendra surtout aux États-Unis, parce que Buda est presque plus connu aux États-Unis en France, grâce à la promotion qu'en feront certains chanteurs ou certains musiciens comme John Zorn, certains chanteurs comme Patti Smith, qui est assez fan d'Éthiopique. Et donc cette série connaîtra un grand succès avec ses 30 volumes. Évidemment, sur les 30 volumes, il n'y a pas que de l'Ethio-Jazz, ce style qu'on a entendu avec Mulatu Astatke, on a aussi des chanteurs. Parmi eux, on peut citer Mulukan Melese, que l'on va écouter immédiatement, enfin dans pas longtemps, avec Où était Mare, qui est un titre chanté cette fois. Matalishalo, Kerbino Agere, Eskazio Tepekin, Navkotetare, what a temare. Mare, what a day. Voilà, Moulken Melesse. Vous avez peut-être remarqué des points communs avec Moulin Tou Astatke passé précédemment, dans le sens où on retrouve les cuivres, en fait, parce que très souvent, dans la musique éthiopienne, on retrouve les mêmes compositions d'orchestre, parce qu'il arrive très souvent également que ce soit les mêmes orchestres qui participent à tous les enregistrements. Pour autant, la musique éthiopienne est très diverse. Elle est sous influence occidentale la plupart du temps. C'est un petit peu aussi pour ça que ça nous est familier, dans le fond, et pourtant inconnu. Et c'est tout à fait dans l'esprit de Bouddha Music. La collection éthiopique dont je parlais précédemment, elle arrive en 97 environ, soit 10 ans après le début de l'histoire de Bouddha Music, qui a été donc fondée en 87, vous vous en doutez, par Gilles Fruchot. Et deux complices. Faut se représenter le contexte de 87. On est à la période de la marche des beurs, de Touche pas à mon pote, de 12 France, repris par Rachita. Donc on est dans une période où les musiques du monde, c'est aussi des musiques d'ici. C'est les musiques d'émigration. Et donc c'est pour ça aussi que le projet Bouddha Music est né, pour dire, la musique du monde, c'est pas forcément que de l'ethnographie ou de l'ethnomusicologie, c'est aussi de la musique de maintenant. Donc, dès le départ, Bouddha Music a produit des artistes, comme Cheb Khaled, comme également Manu Dibango, comme toute cette scène. Et comme de manière plus inattendue, parce que personne ne la connaissait à cette époque, Cesaria Evora, qui, tout au départ, est tellement méconnue que sur son premier album, il y a à peine son nom. Je vous en parlerai ensuite. Mi dam conto di ne crici un dia va pate veloce o ma il vai marisse e di ta sana ta chora. Un día va y pa terra longe, o mar el va y mariseo, el dicha ta sana ta chora, el dicha. Cesaria Evora n'est pas encore la diva aux pieds nus lorsque son premier album sort chez Buda en 88. C'est une chanteuse quasiment inconnue en dehors des cabarets de Lisbonne et de Cap-Vert. Mais Cesaria Evora a tout de même tapé dans l'oreille, si je puis dire, de Gilles Fruchot. Et il va l'employer pour présenter la musique des Cap-Vert. Le tout premier album de Cesaria Evora est consacré à la musique des Cap-Vert et c'est une sorte de présentation. On considère pas que ce soit un album à part entière, mais plutôt un témoignage de ce qu'on fait à cette époque-là dans cet archipel. C'est lors de la réédition de Cesaria Evora de ce premier album l'année suivante qu'il prendra définitivement le titre de La Diva aux pieds nus, qui est le surnom de Cesaria Evora. Le morceau est une morna, comme la plupart du répertoire d'ailleurs de cette chanteuse. Il a été écrit par son oncle, Beleza, qui est un grand auteur de ce genre, ce sont des complaintes souvent qui s'adressent aux marins sur le départ. Faut s'imaginer dans un port de Cap-Vert les marins partir. Ok, et... une sorte de fado du Cap-Vert alors. Oui, alors on peut dire ça, la proximité. Et c'est les mornas, tu dis? On appelle ça une morna, oui. Ah, je connaissais pas, tu vois. Oui, c'est un genre qui est devenu populaire au milieu du 19e siècle. Et bon, son oncle le révolutionne en quelque sorte en proposant des versions qui sont plus proche du fado, à vrai dire, et donc qui vont garantir son succès, si on veut, dans le Portugal colonial. Et Buda Music, lorsqu'il s'empare de la morna, il s'adresse également à la communauté portugaise lusitophone, pardon, de France également, puisqu'on veut toujours aussi s'adresser à ses publics. Un autre groupe très important est signé par Buda Music dans la même période, à la fin des années 80, au début des années 90. Il s'agit des Yeux Noirs. Alors les Yeux Noirs, c'est un orchestre tzigane et yiddish. Écoutez-moi ça. le châle bleu par les yeux noirs. Vous avez reconnu les accents tziganes et klezmers de cette musique, naturellement. Les yeux noirs, c'est un groupe, un orchestre qui est créé par les frères Slabiak, deux violonistes virtuoses hein, qui ont fait une formation classique à Bruxelles et qui vont se mettre à tourner dans toute la France et dans le monde entier. 1300 concerts à leur actif aujourd'hui. Et c'est des gens donc, qui ont sorti leurs deux premiers disques chez Buda Music et qui ont réellement lancé leur carrière grâce à eux. Et ils représentaient en quelque sorte un petit peu la musique tzigane yiddish pour le label qui donc, allait s'y mettre très très sérieusement en engageant Nano Pelé de Bratsch et Denis Cugnot qui feront eux-mêmes quatre albums en duo. On aura également une super série qui s'appelle Les Patrimoines musicaux des Juifs de France en 10 volumes qui nous présente toute l'étendue du répertoire juif. Et c'est un petit peu la démarche ethnomusicologique, si je puis dire, pour prendre des mots savants, de Buda Music, qui va également s'attaquer à la Sibérie avec 10 volumes sur la musique sibérienne, et également à l'Éthiopie, bien entendu, on en a parlé précédemment, mais aussi à Zanzibar. Alors, pour Zanzibar, il faut tout de même avouer, c'est à la suite de la série éthiopique que ces musiques seront abordées. Il y a des ressemblances, il y a des différences, vous allez en juger par vous-même. Avec Zour Aswale. Moyo usijizuzue, sikizani kwa Vous êtes toujours en direct sur Radio Gémozo. Il est 10h33 et Stéphane nous parle du label Buda Musique. Super. Et tu peux nous redire ce qu'on vient d'écouter, Stéphane ? Alors, il s'agissait de Zour à Swalé et le titre c'est Moyo Ouzizi Zouzoué. Ça veut dire laisse ton cœur se reposer. D'accord. Et du coup, c'est une musique qui vient d'où ? Eh bien, de Zanzibar. Et c'est où Zanzibar ? Alors Zanzibar, ça se situe à l'est de. C'est un archipel qui se situe à l'est de l'Afrique, en face de la Tanzanie et du Kenya, si vous voulez, pas très loin des Comores, d'ailleurs, qui partagent le même univers musical. Cette musique typique de Zanzibar, on l'appelle le tarab. Ok. Alors, le tarab, c'est un grand mélange comme Zanzibar, parce que Zanzibar est un port d'escale. Alors un port d'escale où on a croisé des Portugais, on a croisé des Perses. On a croisé des Arabes, mais naturellement, on a aussi croisé des Anglais. Et tout ce monde-là s'est réuni, on le retrouve dans cette musique. Alors, ce qui est intéressant avec la musique de Zanzibar, c'est son histoire, qui ressemble un petit peu à la musique éthiopienne. C'est-à-dire que, tout au départ, il y a des instruments. Ces instruments, ils sont amenés par les orchestres égyptiens. Ils sont amenés par les orchestres égyptiens et par un certain sultan qui, un beau jour, a décidé qu'on ferait de la musique tarab, enfin qu'on ferait de la musique typique de Zanzibar, mais qu'elle devrait s'inspirer de la musique arabe. Donc il envoie l'un de ses musiciens au Caire, il apprend la musique, il revient et il dit « voilà, une musique tarab ». On monte à ce moment-là des grands orchestres avec 40-50 musiciens et on se met à animer les mariages et les fêtes. Mais bon, elle va pas être longtemps purement égyptienne, cette musique. Elle va subir toutes ses influences. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce grand maelstrom de musiques diverses. Et pour un résultat, moi, je trouve fascinant. Voilà. La culture originelle a repris son droit. C'est ça, c'est la culture et des les gens. Les mélanges se sont faits. Tout à fait. Oui, c'est la culture des gens. D'ailleurs, Zour à Swalé n'est même pas exactement de Zanzibar, mais elle est kenyane. Mais on reste dans ce même univers, cet univers de mélange et de melting pot. Ça va très loin, puisque, par exemple, sur le morceau qu'on vient d'entendre, il y a un instrument qui s'appelle le tashkota. Alors, le tashkota, c'est un instrument japonais. Qu'à Zanzibar, on va électrifier. D'ailleurs, il s'appelle le taishokoto au Japon. Il s'appelle le tashkota. Il s'agit d'une sorte d'épinette, si on peut dire. Une épinette avec des touches d'accordéon. Donc, ça nous fait ça nous fait une sorte de son de guitare slide ou quelque chose comme ça, un petit peu de sitar également. Voilà. Donc, on va jusqu'en Asie. D'ailleurs, l'Asie, on va y rester parce qu'on va changer de transition. Incroyable. Donc on va aller finalement pas très loin du Japon et de son taishokoto. On va aller en Mongolie à présent. Et avec un instrument qu'on peut pas plus local, puisqu'il s'agit de la voix. Dis donc, c'est super diversifié, Duba Musique. Эн олон бурхтын сажин дэлгэрх цагт гарсан тахицуулах хааны үлдэл тансаг бомб хааны ач үйцэн алдар хааны хөвгүү үеийн өнчөн жан C'était un extrait de Jangar, l'album de Hoseungtun, qui est un groupe mongol, qui est sorti cette année. C'est une toute dernière publication de Buddha Music. Alors, Buddha Music et la musique mongole, c'est une vieille histoire parce qu'on avait déjà abordé finalement ces répertoires avec la musique sibérienne, qui est assez proche et qui utilise également une façon de chanter qu'on appelle en français du chant diphonique, qu'on appelle en mongol du romi, et qui était une façon d'invoquer les esprits au temps des chamans. Et donc un caractère un petit peu sacré qui est souvent soutenu par une guimbarde d'ailleurs, qui avait le même usage, la même utilité, et qui s'associe assez bien avec cette façon de chanter. L'utilisation du chant diphonique, on le retrouve dans toute la musique mongole, mais pas seulement, puisque figurez-vous que en dehors de la présence des Mongols, on le retrouve également dans la Méditerranée, en Sicile, en Sardaigne et parfois en Corse. Vediamo male a qua mi, so centomila induinelle, so centomila i valsami, ad agriscope dolci rami, vediamo male a qua mi, so centomila biattadelle, so centomila i vresterami, all'aldilà. So lei qui chi c'ha da portà, all'aldilà. So lei qui chi c'ha da portà, a quello che da paspali, mi diamo male a un bel cami, so centomila luminelle, so centomila i fanali, a beratte e a scrinati, mi diamo male a nigami, so centomila nannarele, so centomila i varati, all'aldilà. So i qui chi c'ha la portà, all'aldilà. So i qui chi c'ha la portà, a chiama male un male chiama, a chiave male per pigliami, so poche strinte canele, e solo un pietro culana, a queste case fatiana, mi diamo male a tempiami, so tutte sciolte vonicele, e solo un pietro culana, all'aldilà. Sole di qui chi c'ha la volta, all'aldilà. Sole di qui chi c'ha la volta, all'aldilà. Sole di qui chi c'ha la volta, all'aldilà. Sole di qui chi c'ha la volta, all'aldilà. Thank you. C'était l'Alba, Ato Kulana. C'est un titre corse qui est également une parution très très récente du label Buda Music. Donc on est passé directement de la Mongolie à la Corse. Quelques dernières informations à propos du label. Il faut tout de même savoir qu'on peut acheter tous leurs disques, quasiment toutes leurs parutions. Je crois qu'il y en a 400 sur les 500 que le label a édité sur leur site, à des prix raisonnables d'ailleurs. J'ai une petite question, Stéphane, sur Buda Music, qui est très éclectique dans leur répertoire. Ça fait combien de temps qu'il existe ? 1987, on en est à 35 ans. Bah, super. De bons et loyaux services au service de la musique. Et aussi un bon répertoire traditionnel, du coup, qui a évolué. Oui. Avec les années, et eux, ils ont gardé des petits trésors, comme tu nous as fait découvrir avec Éthiopiste, c'est ça, ou Éthiopique, c'était Éthiopique. Quoi avec Éthiopique, c'est génial, ça. Ah oui, non, ils sont vraiment très forts. Hein. C'est vraiment un label qui a su s'adapter sans jamais sacrifier son esprit. Et maintenant, ils font aussi des spectacles. Ils sont associés à des producteurs de spectacles, puisque les disques se vendent un peu moins bien, chacun le sait. Et ils sont basés où, donc, Buda Music ? Ah ben, c'est à Paris. Ok. C'est à Paris, tout simplement, oui. Et puis, il s'agit d'un label dont on peut dire qu'il représente un peu l'alternative à Okora, Musique du Monde de Radio France. C'est-à-dire qu'on a le côté ethnographique, mais pas seulement. On a aussi un côté très, très actuel et populaire, si je puis dire, même si, bon, évidemment, c'est pas des tubes universels hein, qu'on sort chez Buda Music. Mais je pense que c'est une musique qui peut plaire à beaucoup, oui. Et... je pense que désormais on peut passer à ta partie, Nanou. Ah, donc tu as fini? Oui, je peux dire ça. Alors, la transition est très rapide. Donc moi aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler des événements estivaux de l'association et de leur programmation musicale. On est très heureux de vous annoncer que cet été, les Mondes d'Utopie organisent 3 guinguettes estivales qui se dérouleront les 17 et 30 juillet ainsi que le 14 août. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une guinguette des Mondes d'Utopie ? Eh bien, une guinguette des Mondes d'Utopie, c'est comme un moment hors du temps, avec un marché de producteurs et d'artisans, c'est de la bonne humeur, de la bonne musique et quelques guirlandes pour planter le décor au centre du village de Rochesson. C'est à partir de 16h et c'est entrée libre. Il y aura une buvette avec un bar à sandwich. Les exposerons seront là de 16h à 22h et après, la soirée continuera. Nous allons commencer du coup par la présentation de la programmation musicale de la première guinguette le 17 juillet avec Goliath. C'est parti, je vous laisse écouter, on en parle après. Rachitique, la peau sur les os, te faire la nique, t'étais pesé au couteau. Petit avoir, tes blessures sont mon désarroi. Sans taille au monde, sur mes avant-bras. Demain, je partirai en vacances dans ma tête. Moins dur, plus juste, te décoiffer d'une crête. Me nettoyer de toi et te ressusciter à la source confiance, me noyer. Maître censeur, prolifique, mon cœur ascenseur, te couper la chic, à faire taire les rieurs. Maîtresse juge, supporter sentiment déluge. Se lie en moi, mon âme centrifuge. Demain, ma petite voix, t'aimer d'amour tendre, t'éteindra ma tête et mon cœur à s'étendre. Pour le temps des vacances, me laisser la chance, me laisser tranquille pour la prochaine urgence. Tu es malin, versatile, terreau du chagrin. Te démasquer, te couler dans l'eau du bain. Je t'aime toujours, moi non plus, à me rendre sourd. Fais-toi chorus, ta gueule est motus. C'était Petit Ego de Goliath, un groupe de Châteauroux. Donc Goliath, qu'est-ce que c'est ? C'est une écriture rythmique et ciselée, des textes poignants, parfois durs, pour des harmonies sensibles. C'est une recherche d'équilibre entre légèreté et profondeur. L'instrumentation et les arrangements sont parfois épurés, inspirés et de music world, de funk et de pop, avec une notion permanente de groove. Le trio propose un concert intimiste, comme vous venez de l'entendre, au rythme chaloupé, un regard sans raccourci sur l'humain, sur ses failles et ses forces, en considérant les paradoxes. Les chansons de Goliath sont passées à l'alambic pour en garder que l'essentiel. Ah, petite précision, on vient de me dire dans l'oreillette du coup que la première guinguette était le vendredi 16 juillet et non le samedi 17 juillet. Voilà, c'est dit, mais je le redirai en fin d'émission. Et tout de suite, je vais vous faire découvrir le groupe phare de cette guinguette du 16 juillet, Brahma. Vous découvrez Brahma avec Roula. Thank you. venez d'entendre Brahma. Brahma qui est un trio né au cœur du Massif Central et qui exprime pleinement, comme vous venez de l'entendre, la transe d'un rock psychédélique, farouche et authentique. Batterie et guitare en état d'hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et chant en occitan lumineux, le groupe fait valser les clichés en triturant un folklore solaire, dansant et poétique. Un rock expérimental libre comme l'air. Saturé d'électricité, ce do-it-yourself pétaradant et polyphonique aux accents noise et aux doux parfums de drone est aussi proche du krautrock, et je ne sais pas ce que c'est, je suis désolée, que tu sais toi Stéphane ? Oui, le krautrock, c'est le rock chou en allemand. C'est un mouvement du début des années 70, très expérimental, oui. Ah, eh bien, merci pour cette petite précision. Donc, je disais que Brahma est très proche du krautrock que de Led Zeppelin, de Der Hof ou de Altingun. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la guinguette du 30 juillet. Donc, guinguette du 30 juillet, bien sûr, toujours à partir de 16h, avec ses exposants. Vous trouverez plus d'informations sur les événements de la page Facebook des Monts de l'Utopie, sur qui est-ce qui sera présent, je pense, en artisan. Et là, du coup, je vais vous faire écouter le groupe phare de la guinguette du 30 juillet, c'est Lolomis, et je vous laisse avec Idam, issu de leur dernier album sorti en 2020, Red Sonia. d'écouter Idam de Lolomis, donc Idam chanté en bulgare, issu du dernier album de Lolomis qui sera présent à notre guinguette du 30 juillet. Donc Lolomis, qu'est-ce que c'est ? Lolomis, c'est un quatuor, c'est un jeu de contraste entre électronique, le synthétique, qui accentue la force pulsionnelle et le pouls de la danse, et puis il y a l'acoustique. Les flûtes obsédantes de Stelio Lazarou, qui tournent en ronde de Saba, et les cordes de la harpe d'Elodie Mesmer, qui lient leur féerie à la dureté païenne des rythmes de Louis Deslignon. Au centre de ces tableaux mouvants, la voix, enfin, d'une sensualité presque brutale, de Romane Claudel Ferraghi, tireuse de tarots aux accents rudes et suaves, devineresse gouailleuse d'avant le péché originel. Donc, comme je vous l'ai dit avant ce morceau, Idam est issu de leur dernier album sorti en 2020, Red Sonia, qui a eu que de merveilleuses critiques. Je vais vous lire une petite critique de Louis-Julien Nicolaou, un journaliste des Incorruptible. Par son mélange de ténèbres et de rayonnisme, d'indéfinis rampants et merveilleux évanescents, Red Sonia tient de la musique d'adoration. Il y a aussi Le Monde, qui a fait une bonne critique pour Red Sonia, le dernier album de Lolomis. Tout de même, le monde. Stimulante danse cosmopolite. Et France Inter, donc Mishka Assaya de France Inter, a dit que cet album était impressionnant. C'est quand même génial. Et là, tout de suite, vous commencez à entendre Bindis, dont le clip sort demain, visible sur YouTube et Facebook. Bindis, qui est chanté en géorgien. عايش في الناس تخرجت جت جت عايش في الناس تخرجت جت جت عايش في الناس تخرجت جت جت عايش في الناس تخرجت جت جت Écoutez Bindis, issu du dernier album de Lolomis, dont le clip sort demain, qui sera visible sur YouTube et Facebook. Donc Lolomis, je le répète, qui sera le groupe phare de la guinguette des Mondes l'Utopie du 30 juillet. Et vous pouvez trouver tous leurs autres concerts sur lolomis.net. Et ben maintenant, je vais passer à la dernière guinguette du 14 août. Et cette fois-ci, pour le 14 août, on va réaccueillir un groupe qu'on a adoré, Piquons mon amour. Nous allons écouter un morceau de leur dernier EP, Colère mon auréole, et on en parle après. Colère, son savoir-faire et ses se taire. Colère, qu'en faire de ma colère? Si dans mon ventre s'enterre, où te loges-tu, colère? Colère, comment faire? Je suis colère. Femme colère, ne me laisse plus faire, l'orage m'éclaire. Colère, comment faire? Je suis colère. Colère impose barrière, elle protège tout entière. Ne tombe plus des nues, t'excuses pas non. Prends tes jambes à ton cou, ne te mets plus à genoux. Prends tes jambes à ton cou, écoute ton courroux. Il couvre ta lumière, la loupe s'en laisse pas faire. Colère, ne pas m'éteindre, n'est pas à craindre. Pourtant colère se défendre, colère pour s'apprendre. Colère un peu sauvage, n'est pas la rage. Passagère, ma colère sage, déchire mon image. Elle n'est pas sagesse. Colère câline mon ivresse. Colère caresse. Colère, comment faire? Colère l'enfer. Femme colère pas fière, pourtant bonne conseillère. Ne tombe plus des nues, ne t'excuse pas non plus. Prends tes jambes à ton cou, ne te mets plus à genoux. Prends tes jambes à ton cou, écoute ton cou. Il couvre ta lumière, la loupe s'en laisse pas faire. Colère mon auréole, issu du dernier EP de Piquons mon amour, notre groupe phare du 14 août. Alors pour petit rappel, Piquons mon amour est un duo de chansons théâtralisées. Avec Lorraine à l'accordéon et au chant et Jojo aux multiples basses, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinger nos zygomatiques. Au gré de leurs improvisations inspirées des publics, toujours jamais pareilles. Le duo a vu le jour il y a 6 ans dans les Hautes-Cévennes. Après plus de 400 concerts à leur actif, ils proposent aujourd'hui un show en duo encore plus chaud, dans lequel se mélangent non seulement des reprises et des chansons populaires, et des musiques du monde, mais aussi des compositions personnelles osées, rigolotes, tendancieuses et revendicatrices. On va écouter maintenant Paolo. L'accordeur de piano, il n'est pas toujours à l'aise, alors il boit un peu trop, et sur sa mope portugaise, parle de femme en dièse. Et Beethoven laisse béton, lui gueule au diapason, homophonie en étreinte, entre la carte, la quinte, Ricard et la peinte, flûte bémol au fil de ses empreintes. Paolo, il arrive avec sa mobilette. Il rentre dans la baraque, il voit le piano, il saute dessus et il se fait gueuler comme un dingue. Allez, encore un petit coup. Le martini des marteaux chanteurs. J'entends mieux que ça sonne quand je suis sous. Tiens plus debout. Dans une octave romance, accord à corps dans son dos, entre les cordes qui dansent, Juliette et son Roméo. Les décors pour une douceur sonore, des fausses notes face au tac, puis il repart comme en fugue. And he always comes back. Paulo, midi 45, un petit passe 10 pour Asili. Pas vrai, mon loup. Et v'là petit pas qui bonne la bouteille, raide comme un raisin qui n'en peut plus. Ah, je le vois, ton pinard. Reste sur la touche, le si bégard. Au sol, s'il l'a mis sous l'ivresse, l'eau de gare. Stravinsky travesti, Schumann est à 4 grammes. Hey! Sa fiole se recompose en clé de sol, se haut le chant du clavier, s'enivre sa majestuosité. Le pianiste est raccordé. Hey! Sortons la boutanche, faut que le si bécard s'étanche. Un petit shot sur la note et un porto emporté dans l'opéra de mon verre. Mozart se roule par terre. Hey! Hey! Hey! Vous venez d'entendre Paolo de Piquons Mon Amour, issu de leur dernier album En Route pour la Joie. Vous trouverez toutes les informations de leur tournée 2021 sur leur site piquonsmonamour.com. Et maintenant, en première partie de Piquons Mon Amour, pour la guinguette du 14 août, je vous fais écouter la merveilleuse Muriel Dailleur avec son titre Tranquille Peinard, dont le clip sort tout prochainement. Peinard à la maison, j'ai des styles de panthère en peignoir dans le salon. On a si peu de choses, la vie ne tient qu'à un fil. Les jours tristes et moroses, le bonheur qui défile. On voudrait tous de l'amour, on a besoin d'exil et surtout de chocolat. Pépère, papou, pépère, peinard à la maison. J'ai du style de panthère en peignoir dans le salon. J'suis tranquille, slada bah oui, bébé, boubou, bah dit la dé. Spapa, bah dédé, bah oui, détasté, trododé, spododé, trododa. On est si peu de choses, la vie ne tient qu'à un fil. Les jours tristes et moroses, le bonheur qui défile. On voudrait tous de l'amour, on a besoin d'exil. Pépère, spipou, pipé, peinard à la maison. J'ai du style de panthère pour prapadidodé en peignoir dans le salon. J'suis tranquille, sladadadé, béoui, balé, d'ndoudéa. Comme je n'ai jamais été tranquille, pépère, peinard. D'écouter Tranquille Peinard, un titre issu du dernier EP de Muriel Dailleur, dont le clip sortira tout prochainement. Pour petit rappel, Muriel est déjà venue jouer au Monde de l'Utopie aux Guinguettes de l'année dernière, et Muriel Dailleur, c'est de la poésie en musique. Elle est dotée d'une voix irrésistiblement jazzy et d'un feeling rythmique épatant. Elle interprète ses chansons comme des histoires à raconter avec humour et émotion. Elle aime puiser son inspiration dans la vie de tous les jours et les cultures populaires du monde. Composer, créer, écrire, imiter, réinterpréter. Elle cultive un univers intemporel rempli de surprises. Ses mélodies sont pleines de couleurs et de poésie. Fermez les barres, monsieur. Je vous laisse écouter tout de suite « C'était un piège » de Muriel Dailleur, issu de son dernier EP. Quand j'ai vu ce gars-là accoudé au comptoir, il a fallu mes yeux croisent son regard. Ça m'a mis deux coups de revolver, détonnant comme le tonnerre. Et quand ça m'a perforé l'estomac, j'ai vu se décoller la poussière qu'avait autour de moi. Quand j'ai vu ce gars-là accoudé au comptoir, j'en ai perdu mes moyens et le contrôle de mes mains. J'en étais toute déboussolée, j'en étais déconcentrée. Et mon petit cœur qui battait la chamade s'est mis à valser et a fait trois tours dans sa cage. Puis je me suis dit que c'était un piège, il est trop beau pour moi. Avec son corps d'Apollon, c'est l'étalon de mes rêves. C'est peut-être un coup à se faire plumer les ailes, à se faire plumer dans le dos. Je ferais peut-être bien de faire mes clics et mes claques et de boutonner mon manteau. Quand j'ai vu ce gars-là répondre au téléphone, répondre au parlophone, descendre, ouvrir la porte, j'en étais toute émerveillée, j'en étais toute étonnée. J'ai souri, j'ai tout imaginé. Quand il m'a dit bonsoir de sa voix enrouée, quand j'ai vu ce gars-là monter les escaliers, tout en guidant mes pas, en portant mes paquets, c'était comme un rêve éveillé. Je me suis demandé d'où il venait, avec ses grands yeux noirs et puis sa peau bronzée. Oh mon Dieu, qu'il est beau, même quand il a le dos tourné. Puis je me suis dit que c'était un piège, il est trop beau pour moi. Avec son corps d'Apollon, c'est l'étalon de mes rêves. C'est peut-être un coup à se faire ensorceler et à en perdre la tête. Je siphonnerai toute la bouteille d'antidote à la prochaine fête. Quand j'ai vu ce gars-là qui avait le cœur brisé, qu'on avait tant aimé, qu'on avait recraché, j'aurais voulu le consoler, j'aurais voulu tout lui donner. J'ai pris ma guitare, me suis mise à chanter que l'amour n'a pas d'âge et que tout peut recommencer. Quand j'ai vu ce gars-là qui m'a ouvert les bras, qui m'a dit je ne sais pas, qui m'a dit on verra, je ne me jette plus à l'eau, tu sais, je veux pas passer pour un salaud. Moi j'aurais voulu l'emmener partout avec moi, faire le tour du monde sur un bateau de bois. Puis je me suis dit que c'était un piège, il est trop beau pour moi. Avec son corps d'Apollon, c'est l'étalon de mes rêves. Je ferais peut-être bien de remballer mes rêves et mon sourire de mioche, de glisser mes mains dans mes poches et tourner les talons et tourner les talons et changer les talons. Vous venez d'écouter C'était un piège de Muriel Dailleur, issu de son dernier EP, Tranquille Peinard. Vous retrouverez la tournée complète de Muriel, ainsi que ses différentes formules, si ça vous intéresse, sur son site internet murieldailleur.com. Je vais vous faire maintenant un petit récapitulatif de nos trois guinguettes de cet été, car on arrive à la fin de l'émission. Donc, trois événements pour l'association Les Monts de l'Utopie. Les guinguettes du 16 juillet, avec Goliath et Brahma en groupe de musique, avec une buvette et un bar à sandwich et un marché artisanal et de producteurs. À partir de 16h, entrée libre. Deuxième guinguette le 30 juillet avec Lolomis, bien sûr, avec toujours une buvette, le bar à sandwich et le marché de producteurs et d'artisans. À partir de 16h, entrée libre. Les artisans seront là de 16 à 22h et la soirée continuera après. Et la dernière guinguette, le 14 août, avec Piquons mon amour en groupe phare et la merveilleuse Muriel Dailleur en première partie. Toujours à partir de 16h, toujours avec le marché artisanal, toujours avec la buvette et toujours avec le bar à sandwich. Et toujours entrée libre. Une petite précision, cette année, il y a un partenariat avec Narcisse qui s'est créé. Donc vous pourrez retrouver la cuisine des Monts de l'Utopie au Festival du Pied Orange de chez Narcisse le 24 juillet au Val d'Ajol. Et l'équipe de chez Narcisse sera avec l'Asso Rock Live, seront présents à la guinguette numéro 3 pour des dégustations. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook des Monts de l'Utopie, sur les événements. Belle journée à tous. Belle journée à tous.